Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous invitons de se mettre debout. Et chacun de nous doit commencer par la prière. Et après, on va lire la parole de Dieu. Prions. Notre bien-aimé Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce soir nous sommes réunis ici au nom de ton Fils Jésus-Christ. Il est écrit, là où vous serez des trois mon nom, je serai là. Et nous croyons de tous nos cœurs que ce soir tu es au milieu de nous. Et si tu es avec nous Seigneur, que nos péchés soient pardonnés. Si tu es avec nous, guérissez toutes les malades. Si tu es avec nous, nous chassons tous les démons de quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ. Si tu es avec nous, délivre chacun de nous et accorde-nous la joie de ton salut. Nous voulons lire ta parole. Accorde-nous la révélation, la foi, l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons notre verset d'hier, Matthieu chapitre 24. Bien aimé, il faut soulever votre voix, l'interprète soit comme Aaron. Soit comme Aaron pour Moïse. Moïse ne parlait pas bien, mais c'est Aaron qui parlait bien. L'interprète, c'est celui qui facilite la chose. Amen. Le monde nous écoute maintenant. Vous êtes à Cambove, mais le monde écoute cette église. Et tu dois parler des choses avec vraiment. C'est vous qui dites en français. La loquacité. Avec éloquence. Ne sois pas comme vous êtes dans une congélateur, non. Ok, merci. Ici, à partir du verset au chapitre 24 et à partir du verset 42, écoutez ce qui est écrit. Ainsi dit le Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Chassez-le bien. Si le maître de la maison savait à quel heure de la nuit que les voleurs doivent venir, il veillera et ne restera pas perçu sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne le passer. Que le ciel bénisse cette écriture. Assoyons-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le message est clair. La question est là. Es-tu prêt? Celui qui a parlé, c'est le Seigneur. Il n'a jamais menti. Il a dit, vous devez être prêts. Parce que nous ne savons pas quel jour, l'heure, la date qu'il viendra. Il viendra comme un voleur. Amen. Amen. Et ce message, Paul a parlé aux Thessaloniciens. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, écoutez ce qui est dit là-bas. On peut commencer au premier verset. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Il est membre de l'angaria wakati na majira. Mukristo azana posa te ba komira ye yamu. Mukristo ashina na lazima ba mwanjiki. Car vous savez bien vous-même. Kwa sababu mwe benye munajua. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Siku ya Bwana itakuya kama mwizi mubushiku. Amen. Amen. O Paulo alobi meme angelu auti na lola. Na Paulo anasema hata kama malaika so anatoka. Sokia sakoli sango malamu ekesani na huyu. Kama anasema ya injili yenye kuachana na hii. Ala kemama. Yeye apate kulaniwa. Eza la meme yemo kwa zongia wa. Hata kama yeye mwenyewe ashanze maloba huyo. Anabadilisha masemo. Ala kemama. Yeye mwenyewe apate kulaniwa. O tango Yesu azotea. Kwa sababu wakati Yesu Paulo azakinde kwa bundisa Igrisi. Paulo yalikuwa na ongea. Paulo azalaki wanate. Azakina seminari. Alikuwa kama seminari. Itango Yesu akufi. Na wakati Yesu. Baye kodi baba nikotea ye Paulo abandiko bundisa batu ye ananza kubaua bantu metanga kutani na kolonde na wakati alikutanishana na nguzo la moto elobeli ya Paulo echanze maneno ya Paulo ilibadilika alobibo zani ya posa bakomela kabino ernada titi asema amuna lazima baanze kumianjikia asema no shiku na fanda batu musuba koza la sirpi mebiso toza sirpi bantu pengine batashutukwa lakini shia tuta shutukwa eza la soldate haipashe kwa eza la soldate haipashe kwa askari Pona koya yankolo. Tu ya ice quest slogan tu ya ye. Marieto yebi RT. Ataka matuye. Tu yebi datite. Atuye ni tare. Ni ya signe qui montre que le Seigneur est là. Alama iko nonesha sema Bwana iko na. Quel est ta présent de votre âme? Sasa ali ya nafsi yako. Quel est votre attitude? Sasa ali yako iko namna kani? Bien aimé dans le Seigneur. Upendo ndani ya Bwana. Soki balobi ke lelo motazo ke na Amerika. Kama banasema leo yuko na mu Amerika. Amen. Balobio soke na Amerika. Banase wewe kuninda invitation ya Amerika. Banakutumia invitation. Dikamba libosoni usani. Mambo ya kwanza ile utafanya nini? Ifo ye balanga Amerika. Inapasha uyue lugha ya Kiamerika ni aje? Posho ye bilange teko za. Kwa sababu kama uje lugha utaenda tamra. Eo kuzwa ngwa serie na utakuwa abatakuwa na sasa kumwe serie. Bisiko sona komi na tongo. Sasa kama mimi na pesi ngambote. Na kolobani. Sasa mita jibu. Okoloba good morning. Utasema good morning. Hey friend. Kozoye ko l'anglais wakati kuna funda anglais ukoma lokola moto aliboma unakosa mtu wa majim ukoza zotambula yomo kozolo utakuwa hata wewe mwenyewe unilitembelelea wewe mwenyewe unaanza kusema pobo sana te ju ushisabu tu good morning good morning good morning good morning mtu sote ni qu'est-ce que ne voit pas kama ni mambo kani yaendeke na wewe kipazo baka good morning good morning unasema kwa good morning i vale en amerique ase atenda mu amerique Même au lobby, t'es baby qu'on soit en Amérique. Attends, comme on a observé. Mais qu'il y a une période en Amérique. Ça, ça va comme le lendemain. Et ça, la camalili. Il faut la taboy. Alléluia. Amen. On n'a pas en Amérique. Comme on est en Amérique. Bon, y'a aussi qu'on est à Lola. Où est-ce qu'on est à Kumbi? Où est-ce qu'on est à Lola? On a eu un Moussemé à Mbim. Toyaka atotie kola langaji ya lola. Shiyo tuku nakuya kwa kukunda. Langaji ya lola se la parade je. Musemeo ya mbingu ni neno. Oko musema ete la parade. Mwanzo kulikuwa neno. Aleluya. Amen. Meyo ni joke nena lola ha? Weo napenda lola. Uso sega nena parole. Me ugu na cheza na neno. Uso ya grizi na delestage. Ugu nakuwa mkwanisa na delestage. Botango zoke nena Amerika. Wakati huu naenda tu kwa Amerika. Oko magna ndo kuna te. Au ya fika kaka. Mimi faulu kama utako yamba yo. Ah, sitaanza kutafuta. Hata na Kishasa. Ukokyo kende kabwe te. Ifo baya kwa Zelona aeroport. Inapasha bakwa ba kutuma kwa aeroport. Ilofai kwa yamba. Ifo ya madreso zoke nde. Inapasha bia ni kwa kunenda. Amen. Yo zoke nena lola. Sasa wewe unaenda kwa nani yako yamba yo? Nani atakupokele? Oke nena address ni. Utaenda kwa address kani? Tozoze la koya ya Yesu. Tukuna chunga kuja kwa Yesu. Mbona sanaliweza ni? Lakini Mungu anasema yu mulufulu kwa. Yesu akoya lokola moyibi frere. Yesu atakuwa kama mwizi. Ni wape yaka lokola moyibi. Lufu na lolo nakuyaka sawa mwizi. Na kati de l'éter. Wa mpaka de l'éter. Bazoko mela biso ka date de naissance. Bana tuanjiki yaka sema kwa tarehe ya kufa. Date de décès. Ami wapi bana njikaka sasa shiku ya wekufu. Ni wape za lokola moyibi. Lufu na lolo nikala sawa mwizi. Mais ce qui a couvé sa Christ. Lakini ukikufa bila Kristo. Oko yeba. Utajua. Luka Christ lelo. Tafuta Kristo hapa sasa. Yego la Bible dit. Biblia inasema. Premièrement c'est le royaume de Dieu. Et la justice. Ufalme wa mbingu na uwaki. Et le reste viendra après. Hivi vingine vitakuja kisha. Qui est devant toi? Ni nani yuko mbele yako? Amen. Amen. Matazabo ya lelo ule mtu anakatala yende matako ya mbayo yeye ndio atakuwa ule anakatala leo yeye ndio atakupokelea soka kufisan Jesus kama unakufa bila Yesu ezana bisika mibale itakuwa na mafazi mbili soka kufisan Jesus kama unakufa bila Yesu uzoke nena lie de tourma utenda pafazi ya mateso yango babenga yango prison jele beko naita sema prison na lelo baninga bazakuna ata leo barafiki beko omerisha zakuna at ba tajir beko kukuli. Les âmes qui sont en prison, bazalelo. Manas yenye kwa mungere, bazakuna. Bato bazalana tano, bazakuna. Les anges, oh bato mbukaka, bazakuna. Ba malaika bale bari kutombukaka, beko kule. Yango yo lingyo kene kuna. Sasa njoo napenda kwenda ko. Pweza kakana bisika miba. Kwa sababu inakalani mafazi mbiri bule. Sajo ya mbaki Chris. Kama urupokile ya Chris. Utenda kufazi ya mapumziko. Ndiyo ya kwa bengi paradiso. Nukule ba unaita se paradiso. Bo yosiko ndengo zabu. Sasa we pale vile wiko. Soki liwe yesiko. Kama tu lufu lunakuja. Sala sincere. Sasa kuwa sincere. Uko kene na liye de repo. Utenda mufazi ya kumziko. Au mufazi ya mateso. Bato bazoba na kashapa. Bantu beko na kombeo nungopa prison ya kashapa. Bazoba na kashapa. Beko na ungopa kashapa. Me bazoba na prison ya liye de tourmate. Lakini wewe aungope le prison ya kufa ya mateso. Parti. Na wakati ute. Abeki ton orgueil. Na ile kiburi ya. Soki akufisa njezi ukifa bila Yesu okay, na kasha hapa unaenda kukasa. Amen. Amen. Ekute William mumufate William nasima yako yembo kene na kasha kwa mkongo yako mambo ya kwenda kukasa. Nasima kwa beta mbondoke nena kasha. Kisha unapika manzenze au unenda kasha. Kisha kuhubiri unenda mkasa. Nasima yako sala mosaki toko. Na kisha kufanya kazi unenda mkasa. Yango Biblia dubi. Jo maana Biblia inasema. Banga nzambe. Ongopa Mungu. Ezai bandeli ya maye. Jo yenye mwanzo ya. Mimi uzo banga nzambe. Wewe umungu. Uzo sala ndengo lingi. Mungu anafanya vile. Uzo bandengo. Mungu anasema vile. Uzo ajinde ndengo lingi. Mungu anatenda vile unapenda. Mekeba. Sasa kekeba ange. Il peut arriver ta dernière prédication. Inaweza kufika injo mahubiri ya kwa mwisho. Yango Salomo alobi. Jo ile Salomo. Ile kimalamu kokende na esika ya matanga. Iko mzuri kwenda mfazi ya kilio. Kuliko kwenda kufeti. Kwa na matanga. Kwa sababu kufumkilio. Tei ya maka. Tunekalaka tu kunafundishiwa. Yoba matanga yosho baninga bakendo tei ya maka tei. Wewe unenda kule kumama bibilio biyote ule wawu wafundishi wake. Dans la prédication état présent de mon ministère. Mumaubiri ali ya sasa ya huduma yangu. Frère Branham a dit dans paragraphe 29. Mon paragraphe 29 ndugu Branham anasema. C'est ce qui était dans mon cœur. Je l'ai dit quoi mon moyo wangu. Et j'ai essayé ces 30 années prêcher l'évangile autour du monde. Na nilipima muizi na miaka 30 kusema mhudumia. Pour dire aux gens. Je vais appeler les abantu. Il y a un ciel à gagner. Kuko mbingu ya kupata. Un enfer à éviter. Na adeza ya kukimbia. Ezalina lola moko esege osa makasho za yango huko mbingu moyo nafai kwa nguvu kaboza ba diplome paka vile unakombana kwa na diplome kaboza ba promotion paka vile unatafuta kwa promotion paka vile unaboza elevation paka vile unapenda kupata mnyunyuli lola sengeto wela leo huko mbingu ile tatatu kombania kama unakufa kunaisha sasa ngara mambo wewe unafanya tala makambozosa angara sasa mambo balobi balobi balembi wewe banasema na bana choka na kuchoka wewe kupaka vipi menkolo azoya hata anakuya leo liwe poko lufu unaweza kwa mtu abelite akufu unaona mtu asikule mina pastera tulikuwa jana tuandika abimika kaka kama na danseki oh leo shukui moto njamba chepa kamba bino ule mungu njamba beleka akwende kolongo laibo yani sikumbe mpaka hiyo itilite nona sasa wewe huko nani kazi yako ni nini bien aimé mapendwa écoutez ce que je dois vous dire musikie kile mimi napenda kumwambia kolinga mosako kole kanjambete hapana kupenda kazi kupita mungu kolinga kole kanjambete hapana kutafuta kupenda masomo kwa nyosho ndani bosho ya nzambi vyote unaona kupenda mungu iko sanamu kolinga mwasi na kole kanzambe te. Hapana kupenda mbibi. Kolinga mwabali na kole kanzambe te. Hapana kupenda buwana kupita mbibi. Lokolo lingi mwasi na yo. Kama inapenda mbibi. Kole kanzambe. Ukipende mbibi. Nzambe yako ya na zero ya. Haya mungu atakuwa kumkungo yako. Atakuwa na zero ya. Ne tantone pa frère. Aleluya. Amen. Dieu viendra zéro heure. Mungu atakuwa pa zéro heure. Il dit, mon frère, ndugu yangu, tu aimes ta femme. Wewe unapenda bibi yako. Je n'ai rien à prendre. Mimi sina kitu cha kubeba. Tu l'aimes parce qu'il y a des dents comme les Rwandaises. Unampenda juu na meno sa ya Rwanda. Prenez les dents. Umbeba meno. Tu aimes chevelir comme un Indien. Unapenda nywele sa Indien. Prenez la chevelure. Beba ka yenye nywele. Tu aimes des revolvers derrière. Unapenda vya kumkongo. Prenez tout là. Beba bien l'autre. Saboter, prenez. Ah, buzuri. À zéro heure. Ouais, zéro heure. Je viens prendre quelque chose que j'ai mis à lui. Mir koko minta koko beba kile miruweka ndani yake. Je laisse tout. Mina cha biote. Et la chose là, na ile kitu, c'est le souffle. Ni pumzi. Et quand j'ai ôté le souffle, na kama Mungu anatosha pumzi, même vous étiez dans l'ambiance. Hata kama ulikuwa muambiance, l'ambiance se coupe. Ambiance inakatika paka pale. Vous commencez à chercher le médecin. Unaanza kutafuta médecin. Docteur, docteur, et le docteur, docteur. Marvin nous traite, ce sont des gens qui font comme des théâtres. Ah, bale ba Marvin. Il vient avec ses histoires ici. Avec ici, il fait comme ça. Anakuwa anaanza kupima pima, iko na pima pima. Il fait des théâtres. Écoutez ce que le docteur va dire. Elle n'est pas. Mais elle est là. Elle n'est plus. Elle est là. Ce n'est pas ce corps. C'est le souffle que Dieu donne. Donc quand Dieu ôte le souffle, la beauté est finie. Le mariage est fini. La nuit là. Tu vas aller dormir dans les chambres froides. On peut conseiller ton mari. Hey, comme nous sommes à zéro, dormez avec ta femme. Viendra 6 heures pour l'amener à mort. Tu vas écouter celui qui t'aime. Celui que tu ne veux pas adorer Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Mais ça ne se fait pas. Il y a déjà ce qu'il y a. Mais moi, tu es là, tu es 30 minutes. Ce qui peut me louer. Oui. Kama tu esili, même on t'aime la cacheque. C'est le souffle. Ni pumu ce que l'homme. Kama tu inatoka unalekea. Ce qui te fait disposer le cours. Ile unafanya uanze kufundisha. Quand j'ai le souffle. Kama Mungu anatoka pumu. Na crée une ambiance dans les chambres. Unaenda mchambre pro. Toi tu blagues avec Dieu. Huko unacheza na Mungu. Itadonele le souffle. Qu'est-ce que tu fais avec le souffle? Unafanya nini? C'est pour voler. Dieu kuiba. C'est pour la prostitution. Dieu kindumba tu. Aussi au gagner les. On est sur le gagner, on est sur le winner les. Mais match est allé retour. La qui ne match ne galaga ni on a indé amu qui se na rubiri. Jésus va gagner bien. Yes, ou ata winner ça ça ici. Soyez prêts. Nous est tayari. Quand la mort viendra. Wakati lufu litafika. Mourez comme chrétiens. Lufu mukufa sa wa Kristo. Ceux qui étaient prêts. Na vale ce sont les morts en Christ. Ni va mukufa ndani ya trompette. Mungu la lika fara panda. Wakati les morts en Christ seront ressuscités. Ba mukufa ni Kristo batafuka. Ceux qui étaient prêts. Ni vale barko tayari. Alléluia. Amen. Es-tu prêt? Si la mort te trappe, tu seras prêt d'être ressuscité. Yakufufuka. Soyez prêt. Soyez prêt. Soyez prêt. Soyez prêt. Soyez prêt. Amina. Amen. Ici, au verset 3, Pamstari atatu, du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Quand les hommes diront, Bantu balu wakati batasema, salam, et sirete, na ukimia, alors une ruine soudaine, waribifu kubi ya pugafla, ite babamba, surprendre ite la femme enceinte, sapaka vile mabumivu, inechapera pa, inabambaka mwanamuke wa mimba na abata wepuka. Tango tolobi kimia zali, wakati tukuna sema salama iku, Papa a déjà fait la Bible. Papa n'est pas fait la Bible. Mais ce n'est pas la Bible. Mais la Kina est la Bible. C'est un livre de sorciers qu'il a fait. Il voulait ôter la Bible. Il a repenti toucher la Bible. Mais il a oublié que nous les élus, j'ai déjà écrit la Bible dans nos cœurs. Et il y aura un moment où on va fermer nos églises. À cause de la désobéissance, on n'a pas obéi ce que papa dit. Ba président yonso ya mokido, ba zo yo kanda. Ba raisi bote, ba tebe wana sikilizana. Ba kenda kepa na eba ngumba melakai. Ba kenda kwenu, ba nekalabe na mtuangia magochi. Ya, sara, sali Bible na. Ya, yeah, nesha kufanya Biblia yaki. Siko alingia pesa Bible wana. Sasa napenda bebe ile Bible yake. Na munda nchi. Alete kudunia yote. Baba ndakotea Bible wana. Banze kuhubiri ile Bible. Yo kolingate. Sasa wa utashiki, au utapeta. Batango kolingate, uko zana pe. Utakuya musalamu. Même va tote kabiloko. Attends mbele ya kujisha kitu. Basa kana publicity. Bana fanya yaka kombe publicity. Tango sa publicity. Wakati mbele unifanya zako. Bintu biko tayari. Sikwa zo sa publicity. Sasa hapa eko nafanya publicity. Sasa Biblia yake iko hako. Bo ere ni toza siko. Sasa kumbi tuko wakati kani. Toujours na classe. Wakati utapaka kumaso. Balomite ke otanga te pa. Atukatala sema uhubiri hapa. Tukotanga pe Biblia. Eh, tu ndio na Biblia yenyewe usome. Sasa wewe comme une école idolâtre. Sasa wewe masomo yako inakuwa sasa tu busanamu. Utie classe ni bosso ya nzamba. Unabeba masomo inakuwa yule ya Mungu. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Biblia inasema ula skibide asikule. Na Biblia nayo inasema abandonne pas vos assemblées. Yache makutano yenu. Comment vous restez avec une écriture? Ça, ça, ça, ça, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais de toutes tes paroles qui sont de bouche de Dieu. Mais yo lo bakaka a dit travailler. Ça, ça, ça, ça, celui qui ne travaille pas, mais il a dit n'abandonnez pas vos enfants. C'est celui qui travaille doit prier. Premièrement, quand c'est le royaume de Dieu. Et quand Dieu te donne un travail, et ce travail commence à t'empêcher d'adorer Dieu, le diable t'entre. Et tu l'écoutes. Comment le diable gère votre entreprise? Qu'est-ce que tu peux gagner dans ce monde si tu veux perdre ton âme? C'est ainsi dit le Seigneur. Matthieu 16. Matthieu 16. L'homme de Dieu, toi aussi, élevez ta voix. Matthieu 16. Yo kabiloko. Munapenda bitu. Bolingi kolia. Munapenda kula. Bon appétit. Bon appétit. Murio mwema. Kitisa. Shusha bitu. Matthieu 16. Yo kabiloko ya lola. Mushikieni bitu ya kumbingu. Chakula bonjour isa. Très bon repas. Matthieu chapitre 7. 16. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Bien-aimé! Bapendwa! Ta petite tonganda! Atukatala se uyenge! Lakini muyenge ya! Uguna mokire ko! Au yasema idunia itaribika! Endele pozozo abanda kwango! Nanamne ne ula wopatem! Aina tamuzu! Uzozo meme ba mbongo ba dim. Uko na beba natama yume mama franga ya madim uko naweka paka munyumba yako. Uzozo ba mbongo ya action de grâce. Una beba na franga ya sabana nayo yote kuna yenga nayo. Mezela kwa mwa bakosi sa classe. Chunga pale bataisha mosalete. Na abata tupata dikaji. Pesa kimbango moyibi. Njuru wani buishi mankuta ya buishi. Bako tuna mbango. Bata uliza. Mbango yate me bana bazota. Ba, aina kwa sema bata tuko na. Mbango yate bana kesi. Lakini mama mimi ni mbona. Bana tuna 2019. Marebo zo sala. Ata pale kwa mimi. Bata tuna simana ngaba tongi meme de mezo basa. Kuko bantu nyuma ngo bari yenga ata ni mama nyumba. Yemo ko. Asisi ndako. Anaisha nyuma. Me bate bele boko ko sisa ndako. Lakini ba mingi ba waishi. Wewe ko bozo chao. Munaweza sema mimi naweka umwe mtaipata kumbingu. Imi unaweka mu nyumba. Bobo sani ke bosa ko investi na lola. Asema Mungu naweka ni njia ya mbingu. La maison ici ce n'est pas la maison de Ngoindai. Hii nyumba hii haina ya Ngoindai hapana. Si c'est la maison de Ngoindai. Kama ni nyumba ya Ngoindai. Deke Ngoindai za muri. Kama Ngoindai. C'est qui va riche ce miche. Ula tariti ni miche. Mais c'est la maison de Dieu. Lakini nyumba ya Mungu. Et cache la maison de Dieu. Na sasa ni nyumba ya Mungu. Apporte vos argent dans la trésor de Dieu. Muakiba ya Mungu. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni kweli. C'est ce que tu fais. Ndio kile unafanyaka. Yaga ni salanda kwa pastor. Angalia hii haina kazi ya pastor ya ndugu ya nyumba pastor hapa. Amen. Amen. Omoni magamboza. Unaona mambo unafanya. Na banki alikasi obomba. Ku banki alikasi huko na. Na Lumbumbashi obomba. Kule kulikasi banki etranger obomba. Ku etranger sokuchu obomba ndi. Mekumbingu unesha kuchu. Obomba ndi. Unesha kuchu. Nani afungua kote bakeno. Nani alikufungulia bank account yako kule. Etango kufi. Na kama unakufa. Ya likasi. Famii bazui. Ya free deceit. Bana bazui. Batoto bana. Na lola. Sasa eloke ate. Hakuna kuiki. Kende na kasha. Sasa wende mkasa hapa. Quand vous investissez dans le monde, wakati kunaweka akiba mjini. Investi le plus au ciel. Fanya tena zaidi kumbingu. Investissement ya bana zalaka na Bible. Investissement ya mbabatoto ikalaki mjini. Ukokyo tangi sabana pe bakufi bakufi. Unezi unafundisha batoto bote manakufi. Mbonge keya ufini. Yabe enda sola. Na kurukua kiyana mwe. Alaki na mwona na ya mobali. Arukoka na mtoto. Aliki mwona na tanga. Alinya sambe la te. Ashikupendaye kuomba te. Alipendaka lakini mtoto. Alinya kene neglizi te. Ashikuwaza kupenda kuenda kukanisa. Atangi se 4 licences. Ana mufundisha ma licences. Bozola nangai. Muna fuata mzuri. Bozola nangai. Muna nifuata. Mes dernières licences. Lakini licence. Il était en Europe. Alikuwa Europe. Malade bétier. Magonjwa na mbamu. Et na malade ana. Na ile magonjwa. Akufi banana tongo. Anakufa buasi. Na 12 heures. Na midi. Alamuk. Ana lamuka. Tanga koma kikuna. Wakati anafika kule. Amoni. Njela moko ya polele. Njia moya wazi. Metala kuna. Lakini ile ngambo. Bato bazo sufri. Bantu beko na teso. Menjela moko ya muke. Izole kaboy. Me abwakini sokuna. Na tupa richo. Mboka kitoke za kuna. Kuku mungini mwa mzuri kuli. Alobinga na okende mwa. Ase mimi unendeo. Motana alobite. Mutu mwana mwaza pani. Yoyifole kana njelo ya mune. Wewe npitia pa mungia munendo. Kuna ndeshika. Alobite. Kuna bato bazo sufi. Kule bantu beko na kisi. Nana kwa makuna te. Imi stenda kuli. Ata uboi. Ase ata unakata. Uko kende kuli. Kote nda kuli. Pona nini. Jua ni. Botango yoza ina muki. Wakati ulikuwa punzani. Yoni maga Yesu Kristo. Olandaka papa bino ah ndoko mfanya baba yako niko na melobi le salier individuel sema ivolibu wokofu ni wewe mwenyewe uwe la kiba licence unaanza kukufia paka ma licence il faut kende kun sasa wende kulingamo metoringi to sala yo mwa grace lakini tunataka kufanyisha kwenye songa sasa rudia oye bisha papa na yo wende elezea baba yako ke uko kende kunate asa utenda uzo kende sika hapa unapasha kwenda sasa hii fazi nyingine eh nini asije asutuka anashutuka Ajonge bato eh anarudia. Nini? Bengianga papa. Ah munitie papa. Lokola bazaki bato ambongo. Sasa ivaruka bato ya feza. Avie koma lokola taxi. Avie na kwa sa taxi. Alongwi kishasa na porto. Anatoka Kinshasa na tongo huko mago. Mangaribe sokoni. Lowi ndeye ni? Yeah, lowi. Bonjour papa, bonjour. Papa kenena na mal. Uende kukumana. Fungula memena ba licence. Unifumbebe ma licence. Aye na 4 licence. Anakuwa na ma licence yote 4. Oyo ya boy, oyo ya boy. Yo ya fulani na fulani yoyo. Yo olinga kinga ite. Sasa wewe hukunipendaje? Olinga kinde ba licence. Ulipendaka mtu ma licence. Jaba licence. Beba ma licence ya. Me pedi uko sa ndeni. Alafu nina na kosa di. Ase Mr. Fontaine, Mr. Bye bye sa yote ke nazara ke wate. Ase mwa uyanga sema shumiri shumu yake hapa. Na kei miri yenga. Na kaka kuta njela mi bale. Mimi nenda kukuta manjia mbili. Metango na komi kuna. Na wakati haleluya. Amen. E bientôt yope kwa kende kule. Na wewe tena utaenda kule sasa hivi. Mutumwa ye misingai. Mutumwa kwa kunyambia. Lokola yo peki sakangai. Saifilo rinkata. Nandi ma Yesu Kristo. Muamini Yesu. Mwana kende kuna. Sasa mwa namna ya kwenda kule haina ko. Yo wela kinatanga class. Wewe ulipenda paka nikujiu. Sio akape bali sana. Sasa beba ni bali sana. Oye baka genenye na keyo. Yu asema hivi. Na kene shika ya pasi. Mimi nenda kupata mateso njoo ya nini? Wewe na yamba Yesu Kristo. Wewe hukupenda yasema nipokelee Yesu. Profite. Profite. Yamba Yesu. Umpokelee Yesu. Paola ndangana pasi. Zo upate usinifuate kumna mateso. Bazolo babwe. Akati moto. Anasema paka hivi anakata na roho. Bosiko shoki batiki licence. Sasa kama banana. Nani asio jua licence ya grand frère nake kwa sababu. Nani sasa kwenda kwa licence ya mkubwa yake au ya bati. Mwe mnyoso ya 4 licence. Franga yote ya mayo yote inaenda mumai. Mwana kena listen. Yeah, anaenda mumwadezi. Meshoka kia kambongona na everyday je. Lakini kama aliweka ile kazi ile mpanga mkazi ya Mungu. Na Biblia inasema. Fete toute chose. Nifanye vitu vyote. Bila kumvunjika, bila kushishita. Kama sio tote ya boye. Inakatuma kama tunadirange leja. Mademo yuko na virusi. Hayo kambong. Leo nakuwa kutafuta friend. Me kufa kwa yeye. Hai kufa tu utaona. Bien aimé. Bandu. Quatre licences ticane et na bakia na kumbulasi sa quatre licences ça coûte comme ma licence in bay bay kan banaripaka mais atika kotika la jeune garçon aya même église ah si kupenda ke kwa chole kiana ule ni pata kwa tira moyo kwa bandiko sa na ile mamizale na wona sa ya na église wona kwa kanisa utiki mwana bate la ka television unachunga mtoto yako akuchungie television ni kusema wewe udada huko mpagano sana si kwa television kwa sana sasa television yenyewe atafanya na television na television yenyewe azotara ka Ronaldinho eko pana angalia Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho o balo o futubolo anaweka pale azobeta anacheza le meilleur joueur bozobenga ba meilleur joueur na bale benye ba meilleur joueur bale munaita de meilleur menteur jo benye ba bongo ba nguvu okoki kozala meilleur buteur te awezi kwa meilleur buteur bila kulanda Ozoke ndeboye iko nakwenda hivi. Obo benga kamufu. Ile banasema una mchoro na mwa bolo. Evandi wana na unaweza kusutenira kuja. Unaweza kusutenira unafanya huo. Ele pedi massage. Na baba yangu ni shetani. Oboko ye gris. Wewe unataka kwa Ronaldinho. Wewe unaangalia Ronaldinho. Anayamba makuta ya bongo. Hallelujah. Amen. Eloko ba mwana kakupe. Mwe munaona kakupe. Eza kupe ya verite te. Aikalake kupe ya kweli. Mekupe di maso. Mekala ni kupe ya bongo. Akakuta gardie. Atabewa gardie. Anakuya. Uwa. Olongori peshe di. Anatona semisi yote. Musu tenole maso. Oh, tuku nashimamia bongo. E chipa wale sante suya regadali futu. Na utapata rumu takatifu mkwangaria machi. Amen. Amen. Vita zobeta ba. Vita eko na cheza. Na imana. Wewe na imana. Soki imana ganye. Kama imana na win. Na ba jouer. Na benye ba jouer. Na ba supporter. Na benye ba supporter. Ba ganye. Bote bana ganye. Soki vita poli. Kama vita na ba jouer. Na shindwa na ba jouer. Na ba supporter. Na ba supporter. Ba zai milie. Zabote. Shito vile nekalaka. Matche za sikoyo. Matche sasa. Ya Jesus na sa. Iku Yesu na shetani. Biso to ya ka. Shito na kuyaka. Neto suteni Jesus. Jia kumushikimamia Yesu. Ye ase a ganya. Ye anesa kuyaka. Atike na biso victoire. Ane tuachia vini. Biano biso ki biso beto longi. Biso no soba victory. Na shimo kutu kuma. E na shake aji. Na kina chizaji. Vainke. Ni karaka ni wakati wakati vainke. Kuna deshinda. Amen. Alleluia. Amen. Vous devez vaincre le match de l'Odyssée. Unapasa kushinda kitaji la Odyssée. La Odyssée. Vous devez sortir. Unapasa kutoka. Et vous devez être vainqueur. Unapasa kuwa mshindaji. Si vous êtes pas vainqueur. Kama mna mshindaji. Tu ne seras pas dans le trône. Hautakuwa pa kiti cha enzi. Celui qui vaincra. Ula tashinda. Je le ferai asseoir à côté de vous. Dans le trône de mon père. Parce que moi aussi, j'ai vaincu. Est-ce que toi tu as vaincu le mensonge? Oui, tu as vaincu la débauche? Tu as vaincu l'orgueil? Tu as vaincu l'égoïsme? Tu as vaincu l'impudicité? Tu es là comme un chrétien. Mais tu es bandit. La qui nous bandit. Amen. Amen. Wow! Allungo di pete. Questo sono chemise. Danna linga ca Ronaldo. Pete che Ronaldo. Ma quante chemise? Ana tosse chemise. Il succede. Tena una semana. C'est un patron. Tena ni patron. Il est patron dalle masse. Ecco patron, mu bongo. Hallelujah! Amen. Oui, frère. Bouteille Catania. Et Catana Nangova. Attends, la chica bouton. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici l'état de Dieu. Tazama wakati ya Mungu. Le Seigneur revient bientôt. Bwana yuko narudia sasa hivi. Soyez prêts, frère. Mwe tayari nduku. Toi qui as péché, soyez prêts. Mwe tayari. Le retour du Seigneur approche. Wewe rudi kwa Bwana kuna kwa karibu. Nini ukozwa na mokidio yo? Utafanya utapata nini mdunia? Njia ya kupokesha tuna. Tazama mzozo seka na nami. Na uwe unacheza tuna na nafsi yako unapata diploma. Mfaki yango na mabe. Me ulipata mbaya. Ozipe diploma. Unapata kama mbili. Mbona si amenayo? Eh, unapotesha nafsi yako. Uko mina mbongo meuzwa kina mami. Unakuwa na mfranga meuripata yuko. Mbona si amenayo? Unapotesha nafsi yako. Metango tuzoyawa. Lakini leo wakati tunasemini. Ninjo tujulize tujisikie. Sikato sana kibambeba. Mafanyi tumefanya vibaya. Damu ya Yesu pale. Unajua kutusafisha. Ipate kututakasa. Na ipate kutufungula. Aleluya. Amen. Yoka motu na senyenda zotu. Angaria ile ulito bwana. Ah, leta bitu bitu batoto. Kiti sera bango. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, ni kintu kani ile mtu ataleta. Ni pesa loko de change na amen. Ni ile mtu ataleta kuchoko kubadilisha na nafsi. Kwa sababu nafsi. Kute share. Inegala na bei. Ezana valeur a 20,000 mon. Inegala na bei ya maulimwengu 10,000. Me pose a diplôme. Jutu upate diplôme. Unakamata nafsi yako unapenda juu ya nyumba unapotesha nafsi yako ozo promotion juu ya cheo unapotesha ame kutesha na la Biblia ni lame kipesh se sele kile dhambi ndio ile itakufa tara makambo sasa mama angalia mambo yako unafanya bien aimé mwapendo eti pre eti uko tayari si la ngoro vie kama tu lufu na eti va mourir na utakufa est-ce que tu es sauvé eti mwenye kokolewa Tuzukebi sabato. Tuko na kelto tuna kala musha bantu bakimbie adeza. Umeyo zokimate. Me wao kimbi. Kimai. Kimbia. Kimai. Kimbia. Kima. Kimbia. Amina. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bapenda ndani ya Bwana. Yoka biloko na lolo. Shikia bintu vya kumbi. Ecclesiastes. Mhubiri. Ecclesiastes Mubiri 9:12 Tisa kumina Eske bozana ngayawa Eti tu pamoja Bozawa Muko hapa Kitisa Shusha Ecclesiastes chapitre 9 verset 12 Mubiri tisa kumina mbili verset 12 Kitisa L'homme ne connaît pas non plus son heure Mutu naye ayuake siku wakati yake shuku yake Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Pamoya na bale bansamaki bana nyangula ka munyao. Yabi mokolo yaliwate. Mtu asiwake shika. Mtu yabi mokolo yesha koyate. Asiwe shiku yesha ta. Mokola mbisi na kati ya mai. Paka vile insamaki mumai. Ndenge mbisi avanda kana mai. Paka vile insamaki anikalamu. Achemwa bana jwara na yeye. Anaweka bana jwara yake. Azotambo la za azemi kana security. Yeye anona sasa aiko tumusa. Me basanike. Ya anasaba. Ezana moto moka zana njala. Unikalaka mtu moto na njala. Azolu kambisa ali. Yeye anatafuta insamaki. Oh ya azolu kambisa. Na pale unatafuta insamaki. Anikalala akili. Kupita tena samaki. Satan ekiona mayeri. Shetani anakupita wewe akili. Keba. Fanya ange. Akozo andobo atafeba ndobani achenilo anaweka ache ver de terre anaweka kiambo anatupa azobeni anaanza kokota ver zoning ile ingaki kiambo kiu na tenka bisalobi kruaradi ah samaki asemo utukufu kwa Mungu na zibiroko mimi napata bintu sepena mosala unafurahi na kazi keba mosala ne kokio memona lifu fanya nguvu yako kazi yako inaweza kwenda unafurahi na bala ne kobima na ah tete fanya ngazi au unapata kupanda fanya ngazi hata mko Mungu fanya balamu kama faux prophète alikuwa mnabii wa bongo Prenaka muten mupekebe yange mbisi anazo yeo lensa manke kwa ndo bina zabi omesana osala ndengo lingi kuna fambio tebe unapenda sopoka yokakelelo ile kikia ile tarumbete kuna lalamika tese fanya yange fanya yange azolia eko nakula sokia yebak kama nakuria kile lokazolia akikile kitu iko bimisaidi banda kitamtosha nje alingakaliate kama riwa akasema alifanya hapa na kama riwa ke makambozo sa asile mambo yako nafanya eko memona difen itampeleka Mungu atika yangu ah uteache satako shetani Yesu abotola ye makasi Yesu arimunyanganya biote na tikaka na tactic lakini arabakia paka na tactic anayo se wona pendaka kai azana korbe ya ye pembeni eko na kitunga kumpembeni shira mort ni lufu mefungo le zake page lakini fungulu yeye kuna Yesu ala kisho lingi mwasizo kama unapenda mbibia anakupa ulingi masangazo unatafuta pombe anakupa ulingi lokumo zwa unapata kutafuta kukafunga ulingi misolo zwa unatafuta pesa ulingi yazo pesa yote unatafuta yeye kuna pesa etanga pesa yo tena wakati unapenda kalobo yeye kuna kuite kokota mkono koto ya bombi marto ingambo yuko na marto c'est la mort njolu au benda yeye kuna kukokota hivi yo je sava wewe sia iyaka kuya sava ndoko zogwa kela soso asangu wakati yuko na soso ya mobile wakati yuko na kuku il faut jeter des maïs kai commence à manger kama naanza kulia maïs juu na kutoka karibu hapa unamzoa kuya yoano zoya tango komikabu wakati unakuwa karibu abimisira hapa marto ko ana popola moto na anaweka mkitungu shokyo yeba kama urijuaka kokolela lelo utaleli utaria lelo po baninga bozaka ba kuju ba rafiki mulo kwa nabo basa kufa baba tolokola ngai beko bantu sabu niwe na mie me shokito zali lakini kama tu ni mtu ya neema ya Mungu chanze pardon badirika tu komesa nakate ushizobele keba sopok febwe bitango tokon banduko mno yap ni wakati tunafika izatango sama sekite aina wakati mtabiere na yete muta shijue wakati yake tabiere nkora po yete atuyue sasa bwana kaza kozonga gadi wote atuyue sisi wakati keba tango kufa kufa lokola kretchef du kufa ikasa wa mkristo kufa lokola mpagano usikufe sasa mpagano hapana po eko mama kwa sababu imeandikwa haleluya amen Romain chapitre 13 verset 11. Warumi 13:11. Pesa biroko bana balia. Romain chapitre 13 Warumi 13. Amina. Amen. Est-ce que c'est bon? Etiku mzuri. Est-ce que ça good? Etiku na butamu. Mungu alubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Pesa biroko bana balia. Leta bitu batoto bakule. Verset 11. Verset 11. Romain chapitre 13 verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Inakuwa tena ya mafasa na njumu najua ni wakati kani tuiko. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ni wakati ya kulamuka sasa. Ni wakati ya kulamuka sasa. Korale la muka. Korale la muka. C'est le temps de chanter pour la gloire de Jésus. Ni wakati ya kuimba kwa utukufu wa Mungu. Il viendra rendre chacun. Atakuwa. Kurudishia kila mtu kufuatana na kazi yake. Hallelujah. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Kama mtumishi anastahili kazi mbariko. Kila mtu atapata dada yake, dada yangu. Mon frère. Ndugu yangu. Voici le moment. Tazama wakati. De travailler beaucoup pour le monde. Bangaba kapi beona tumika bingi beaucoup pour le Seigneur. Na bangapi beona il viendra. C'est l'Apocalypse 22. Kufatana na Apocalypse. Il viendra avec la rétribution de chacun. Atakuya na maripo ya bantu. Et il rendra chacun selon ses œuvres. Na atarudisha kila mmoja kwa kazi yake. Sasa Mungu akumbuka. Il est Dieu de la justice. Yeye Mungu wa haki. Voici le moment. Angalia wakati. Et quand tu fais des choses, la Bible dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Notre Dieu vient. La vengeance sera à lui. Maripo yuko pamoja. Il rendra chacun selon ses œuvres. Fatana na kazi. Yomamonino sa. Sasa wewe unafanya nini? Atomo na frère. Na matendo. Huko tu bandi. Tomo na se. Tuko na kona ndio dada. Meko bandita. Ikuzala pasi bato bakayo tikali. Itakuwa mateso. Wewe bantu bote bandi. Tikapo bana monoko mabe. Wewe unabaki paka na mkinyo wa bubuli. Utoyo kaka tena Bible mukusamba pona birobalo ba mungu mutanza kusamba juu ya Bible wewe unasema kasimaka talaba vantiro zosa angalia mama michezo kunafanya mutema mabezo silate romba ya ndio ndi ma message mutema mabezo silate romba ya ndio kufa na mutema mabe unapenda kufa na romba mabezo zwa mutema mabe niko nakupatia baba zwa mutema mabe yaka zwa mutema kukomea kwa kufi mutema mabe kufa na romba kwa mutema mabe kende na life unaenda tena na muafi na mzazi haleluya amen Boya ningo ngatozalite. Mwamuye wakati yako. Ekritima tango pala lobata. Andiko epalo alisema. Tala mgonga na ngonde yango. Angalia wakati joy. Amen. Mgonga ekritiro ndeshi. Wakati ile andiko ile joy ile Paul alisema. Fretona mwa tamu keti kale. Atuna kuna kitu tutatamu kwa Yesu. Kuvitena kurudia kwa Yesu. Kufa kakabo. Mtu kufa. Tension le ki okay. Tension inapita unene. Elle me suis paralysé. Kaloko tu una una. Mtu za paralysé. Azana kula sha kufa. Azana kwa sha kufa. Et yo j'ai grâce. Na wona pata neema. Mais arrange ta vie. Mais tengeneze maisha. Na komi munguna na parce que je te dis la. Mina kwa adui wako tumina koleza vya kweli. Pesa bana biroko bali ya batu. Sema bileta bitu bintu batu batoto bakule. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Kwa sababu hapa sasa wokovu inakuwa karibu kupita wakati. La nuit est avancée. Mshiku bonesha kweli. Le jour approche. Le jour de la rédemption approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Tu voulais rester toujours dans les ténèbres. Toi. Pourquoi tu ne veux pas se dépouiller? Et l'Écriture dit dépouillons-nous. Biblia nasema mujivule. Même nous quand il prêche, ne prêchez pas repentez-vous. Mais repentez-nous. Nous devons se repentir. La repentance arrête la colère de Dieu. Toujours repentez-vous. Mais même nous aussi nous devons se repentir. Tu voulais prêcher? Tu voulais prêcher? Mais tu n'es pas converti. Tu veux prêcher qui? On a fait ta coupe. Est-ce que toi tu as changé? Oui, c'est moi qui ai changé. Bien-aimé. Bapin. Yesuko. Yesu mwenyewe. Baye bakangaye. Baripanda banako bana mbamba na chefu mbamba. Alobi baye koli. Anasema baba. Alobi lelo na koza une pierre de chop. Afi leo mitakuwa kikwazo. Pierre alobi tika kama biloko na. Ah, chele mambo kweli. Tu peux être pour tous. Wewe unaswa kikwazo kwa pote hapana mtu yangu. Comment? Je. Même la mort. Atalufu. Moi, je vais défendre. Comme Jésus connaît toutes choses. Attends, il vient le victoire. Avant que le corps te chante. Oui, moi, je vais te montrer. Amen. Amen. Bazaki ba ye kolebi. Bari kwa ba nimba na funzi ba mingi. Antuka via na za misiki. Ase ule munga a ule antukaye kwa matata. Akeine sika ya kobomba. Anaenda pafacha kufuchika. Azili shet. Anabeba ile. Alime alime. Analime anabeba ile. Masheta na kadi anatrongola na chongola bantu bao. Kitisha ngona senti. Anaweka musenti. Pe akitisi rob. Anaweka na tuniki yake. Ayepenegi. Anakuwa na kukanisa. Senye lelo tobonde la wasi. Ase bwana leo tutaombea. Tutoke na bonde na ngomba ya Getsemani. Ase tutenda kule kunani kukirima ya Getsemani kule. Njoka neviana. Yesu wakati ile bwana. Azaina lishet. Alikuwa na kimpanga. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Tout ce qui est caché. Ase yote ni. Sera dévoilé. Itaonekana paka. Yango na zobenda yo mato yo moto lingo sa la nzambe na korali. Njoka pale mimi nakokota mashike wewe unataka kutumikia Mungu. Kosa na confiance na moto pembeni nuno. Hapana kwa na confiance na moto pembeni. Na confiance na Saint-Esprit. Bwana confiance na Roho Mtakatifu. Siki Saint-Esprit alobiri kambao. Kama Roho na yango. Anasema bambia. Ni yako benda yo pembeni. Hapa siko kukokota pembeni anakuita kwa pembeni. Eskolandaki. Eskolifuata. Kiba tantaza na lishe. Afanya attention ile mtu loko na kipanga. Bake iko bondela. Banenda bangoyo bafuta. Banatwanga magoti bote. Tomaza la. Yeye bangoyo bafuta. Quelle ambiance. Ambiance kanya. Kanenge tozabu. Mpaka ifu. Luwelu. Bisonyo sese. Kye bana sere wana. Sopo bana ulika. Azaga na lishet. Eko na mupanga. Wani lishet iko. Una shuna yake kipanga. Tobolaka. Yeko inatobolaka. Lishet. Mupanga. E papa. Inakataka. Lishet. Mupanga. Inakataka. Inakataka. Wakati foyer ya bantu wakati wewe unakata unaribu jamaa ya bantu na ushirika panjiri bal na unakata ndio baby si confiance ya sana utumaini ndani kama mosholo baada mambo ni shati nayo kama kulo sopoka na ile kipanga ya eh alerte general eh ile ni kwa lamsho ya bantu bote bazo sambele beko na homa bazo sambele beko na homa Jesus aye Yesu anakuja Pierre pourquoi vous dormez jeune munala. Tu n'as pas veillé même une heure avec moi. Ah, ok, j'attends qu'il me soit mon ami. njoka ndiye azalisha yeye eko na mpanga yake obi moto ako au lo baka na motema eko paka na sema ya kusimba Yesu unatapima kwa kwamba Yesu ke na nesha Yesu yo yako defendre ndambe ne charnel wewe unapenda kumtukombania Mungu mkimwili notre combat n'est pas charnel si bu confie ta ina kimwili ni ya kiro mes frères banduku toyo kaka kuna tunashika paka kule pierre tel pierre anangari nani wana ni nani wewe ruku na wewe kabaulu kabaulu kashesi mimi nasema wewe unamtafuta Yesu azina pia hiyo leka na wewe yeye anasema wewe kapendeni leka koto pitio huko tena makambo yako leka yoko hii mambo itafika ina wewe uwai kuangalia hiyo leka koto wewe pitio huko frère il faut toko maloko la Jesus donc inapasa tukwe saa Yesu azali sika bato bazali eko fashi bali bazo ye bayete lakini abamuyue tike po baye ba Jesus ndio kufuta ngo ilifai ba ripi yeye so sai di kambo sasa wewe kama unafama bato baye bantu bote ifa baye saye emble muwe batakubanyenyekevu Bona koyeba Jesus zaki facile. Dieu comme yo Yesu ikukwenye seketeki. Il fait couvrir pas. Futa Judas. Bana mulipa Judas. Bala kisabango Jesus. Tu abonesha Yesu. Ni kutama Yesu. Yani kitisaki. Yani ni manye. Mulana Yesu. Anao mwenye utayu. Ba ye. Bana ku. Uwe Jesus. Mwe Yesu kwa. Ba mwana Pierre atomboli sutai. Ba nona paka Pierre na nyangula ile nkanzu yake. Mimi salishe. Anatosha mpango. Wewe ni shete saga de gars. Munona mashete naletaka binaribu waribu. Alobi lo kwa bolingi ko yoka te. Jana fumbola wa matoi. Mchunge sana mishukumbula mashete. Pia beti demonstration. Anoneshe kionyesho. Kakakaka. Anakata. Amonyo ya zaki kosto. Anono le moyo kwa kisha mshimpate weku yo. Batu bati. Soga mwani wewe yo wewe huyu hapa mwende na kati hiyo wewe mimi nakata huyu mwingine bantu baki bantu wanakimbia hiyo soki ni sabato na eglise ya nzama sasa wewe unakimbia bantu kukanisha Mungu na yo ya mabe na maisha ya kwamba nzale ni yo ya mabe na mstari tembea ya kwamba sasa shati na yo rudisha ile mpanga yako rudisha amen amen amen Yesu atalia lumi Yesu anaangalia si a Pierre, oh Seigneur, je gana ko. Oh bwana rudi oke. Habite pa. Hapana, no no no. Je n'ai pas prêché comme. Mis kubiri hivi. Celui qui tue pas les vents. Ula taua na mbele. Bila pale. Atakufa. Tanga yote écrit. Ta aya pala nashika tu andiko. Avandika. Anakuwa kimya. Sigo ni sheye. Sasa ndani tutafanya. Usali de gas. Unaona sasa unaona unafanya wapi? Usali tio ya watu. Sasa beba vile shika. Rudisha. Webi ko sala ba dega una kufanya bibaya uko kaka bomisa hakuna namna kubitengeneza webi ke piera zongi sali tete unaona nasema piera shukuru chake risikio soki na kai kuna kama mimi naenda kule ba urekipere ah ba teni pata senye ase bwana senye alo ah bwana bwana i disamwa asema bila une pouvoir ya muwezi kufanya kintu yemo kazi yemo mwenye anavea azikuraj anavea courage alo bi moninga ase rafiki ndai ba lobi aime vos ennemis mimi nasema mpende bari ya adui yenu anavea risikio anavea elongu jesa zungu ana rudira se jesa anatembea vous cherchez qui muna mtafuta vous cherchez jesus ase tu namtafuta yesu avez bon ba c'est bon pierre pierre avant de s'identifier mbele ni jionyeshe zongi sa lichette non a place na rudisha mbele ile mpanga yako pa fashi yake omoni dega de choses unaona deja ile buharibifu ushafanya kwa kuripare ah wewe tena kutengeneza et moi j'ai réparé sasa mimi nitengeneza mais pour continuer les choses dega ni juu endelee tena buharibifu lichette na sa place rudisha ile kipanga yako pa fashi yake remet ton épée à sa place rudisha ile kipanga yako kwa fashi yake c'est que nous devons faire ce soir donc ile magharibi tunapasha kufanya Lichette na yo kipanga ya hizo sala ba dega kiko nafanya walivu mu kanisa mu makazi masomo ku majama uliye trend pano publicité uliye kwa sema kionyesho wewe unakuya kikwazi Jangi sayango rudisha yo nasika nayo esika ngonini pafache yito sous le sang de Jésus Christ ni ya damu ya Yesu Kristo il dit même vos péchés asi ataka madamu yenu inakuwa comme la crème aussi inakuwa sababu sambarao vendeza moi Jésus je kwangu ni Yesu mie mita ifanya na kwa moyo wangu atani même salaka voici le moment la repentance arrête la colère kuna kashima mishaka kachera na mko kri kama auyaye ami ya le pardon huko huko tukutu le ya le pardon Il y a la vie. Nafashe peko hurumia, peko na bushima. Alléluia. Amen. Pierre a zongi si richette. Petra na rudisha majibu kwa mpango. Maintenant, je vais te prouver que mina pasa konesa sasa. Ce n'est pas par la force des hommes. Aina nguvu ya bantu. Mais c'est par la puissance de Dieu. Ni kwa uwezo ya Mungu. Batoba yeba bomangai. Aba bantu bari pe bari kuye zuba nyu. Kufite. Lakini mimi bino boko za pardon di peche. Sasa mimi kama mimi sikufi mwa mtu apata usamia. Mimi boko za perdi. Dunia itapote. Ifalenga na kufa. Ndio pasa mimi kufa. Bino bobika. Njuma mpate kufa. Mimi siko yozo pe kisabato. Sasa wewe unataka kusaba. Kumpri la parole. Bana kuye nje kutimiza neno. Et chacun de nous. Na kila mmoja. Ile veni si avec un but. Arikuye na kifuko. Ni soye parce qu'on a ni d'injif ni d'indrek. Kikwazo wala imuyuda wala mbe. Et c'est que toutes les écritures doivent s'accomplir. Na maandiko yote na pasa. Ili vous cherchez qui? Jésus, approchez. Me voici. Yeu. Tango ka crier bon. Anasema tu parai. Bakonyo son ase. Bantu bote chini pa. Alors oui bon. Ase bon. Je l'ai frappé avec quoi? Mire bapika nani? Je capable. Miko na uwezo. De dire à mon père. Ya kusema na baba yangu. Envoyez les gens des anges là. Atume tu kifurushi ya mama. Tive tu. Bataua babote. Bon ndenge baladi bo. Sasa hivi basha kulala. Je dis ça tu kata bango tu. Mbaka sasa mumpanga upapike tena. Ce n'est pas. Aina hivi. Avec les fils de l'homme. Aile armwana wa mtu arkuye. Il doit mourir. Il doit ressusciter dans trois jours. C'est pour votre justice. Debout. Allez, abaissez. Debout. Ça, son nom. C'est un. Panambam. Bon, il y a des chètes. Ça, c'est un mupanga. Les chètes. Oui, les Bozo bondera na machete. Mungu na kuomba na machete. Mutema mabe machete. Kinumba lishete. Ndumba kutime lishete. Tomo lo kretie. Njoka ndoza kutime. Me huko na fanya kutime. Huko na mupanga. Me avant Jésus aya. Lakini mbele Yesu. Tout ce qui est caché. Yote nye kupita. Sera. Ita. Depuyonu. Tout le dépouillement. Jo wakati ya kujivuna. Chacun doit se dépouiller. Kila mmoja anapaswa kujivuna. Que ce soit les hommes de Dieu. Na, jo, que ce soit la chorale. Ipate kwa que ce soit les frères. Ikwe badada wa bantu. Voici l'état de dépouillement. Jo wakati ya kujivuna. Celui qui nous a appelé saint. Ula tuita ni mtakatifu. Vous aussi soyez saint. Na mwe mupate kwa batakatifu. Alléluia. Amen. Je vais lire Frère Branham. Mina penda kusoma ndugu Branham. Amina. Amen. Amina. Amen. Naza presete. Mishina data. Na yagi natara bino. Miri kwa kumiona. Na shunga bino. Nimi ujilinde. To shungana. Tu ujilindane. Sio jina ubatemo au no de Jesus. Kama auyapata batizo mu jina Yesu Kristo. Joku ya kupata Yesu kata. Yesu akoyalo kola mwishi. Yesu atakuwa kama mwishi. Ukoipe kukufa na musa. Unize takufa mkashi. Ukufi pena ekoni. Unakufa ata mkuku masomo. Soko njoka bateme mabe kama ulipataka mbateme mbaya tangu ya kuzongera yangu wakati ya kurudia mbaya sababu mususa ndimaka kwa sababu watu wengine baliamini baninga bali kuyaka tufuata barabara mususa dakika santima mwingine alikuwa mususa lopala nana bande kote mwingine sasa tunashana na bandu nyende kwa bandu mbateme c'est un engagement ni engagement ya azamiri safi mbele ya Mungu e moto ya engagement na ule mtu anapata kibango tutaona matunda ndio ndima sasa wewe ushangilia au ya badilia kaka. Obika kama kwa nini? Unakuwa paka damu pa. Leo ndio kobika. Leo ndio utakolewa. Pierre azaga moteye. Pierre alikuwa mmemzi. Lakini alikuwa na mpanga. Abandaze la Pentecôte. Alianza kuchunga Pentecôte. Tangu Pentecôte kitaki. Lakini Pentecôte wakati ilikuwa. Pierre comme qui un bon chrétien. Pierre alikuwa mkristo. Être prêt. Na kwa être baptisé du Saint. Ni kuwa mwenye kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Donne le Saint-Esprit. Mungu analeta Roho Mtakatifu kwa wale beko na. Toi tu n'obéis pas la parole. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit? Na namna kando utapata Roho Mtakatifu. Ni yuko tuna kipanga. Amina. Amen. Toujours six, ça toque. Oh, message du temps de la fin. Oh, Jumbi, le 24 ancien. Le 24 ancien. Prédication prêchée par Frère Branham. Le 1er janvier 1961. Paragraphe 90. Il y a Qui dit ça? Il n'y a pas longtemps. J'ai prêché sur ces sujets les surprises du jugement. Il n'y aura pas de surprise pour les fraudeurs. Il sait où il va. C'est sûr. Il n'y aura pas de surprise pour les menteurs, l'adultère et ces gens-là. Mais la surprise et la déception seront pour ceux qui pensaient aller au ciel et qui seront repoussés. Ceux qui disent, ceux qui disaient, ma mère appartenait à telle église, mon père appartenait à telle église, comme d'ailleurs mon grand-père et ma grand-mère. J'en ai été membre moi-même toute ma vie. Il dira, éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Est-ce que vous suivez? Mais ici, dans le départ, c'est soudain secret. Le départ secret soudain de l'église. Paragraphe 59. Quelle est notre position ce matin, ce soir? Il prêchait le matin. Quelle est notre position ce matin? Pendant que nous faisons notre inventaire. Et la Bible dit, examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce matin, on peut dire ce soir, si on nous dit que le Seigneur Jésus allait descendre d'ici ce matin. Avec qui le cri et avec la trompette de Dieu. Serions-nous trouvés prêts et tant que corps église? Et tu t'es ouais tayari sawa mwili ya kanisa. Serions-nous trouvés prêts et tant que corps église? Est-ce que tu n'es pas parti quand ben quoi tayari sa kanisa? Serions-nous trouvés prêts? Sawa muntu. Parce que les salaires individuels, vous chantez, mais chacun qui ne connaît pas sa position, il peut avoir un échec. Vous êtes là, tu ne connais pas celui qui est à côté de lui. Il peut avoir un échec. Vous êtes avec lui, tu ne connais pas sa position. Il peut avoir un échec. Nous prêchons le même Dieu, mais l'autre a l'échec. Thomas, trouvez-nous prêts et tant qu'individus pour nous rendre à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'il était prêt. Écoutez, William, peu importe Aizuru, que nous soyons prêts ou tayari, pas, le Seigneur Jésus viendra en même état fixé. Nous devons être prêts, dit Amen. Tayari, museme, amina. Et nous devons l'être maintenant. Ce n'est plus le temps d'attendre. Nous devons racheter le temps et être prêts. Alléluia. Amen. Nous avons prié les malades. Les malades sont guéris. Mais tu peux être guéri, mais tu n'es pas prêt. Mais on est tayari. Je préférerais que tu dois mourir avec la maladie, na malari, mais soyez prêts. Like tayari. Parce que quand Jésus viendra, kwa sababu kama le corps d'humiliation sera dégagé et nous aurons un nouveau corps. Na tutakuwa na mwili ya sasa. Alléluia. Amen. Et ce corps ne peut pas porter la maladie. Ayezu kupata magonjwa. Voici le moment. Tazama wakati. Et quand nous prenons, na wakati tunabeba, dans même prédication, le départ est soudé. Le départ secret soudé de l'église. Écoutez, Mushiki. Paragraphe 17. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est mieux d'être prêt. Ni mzuri kwa tayari. Je préférerais être une personne malade. Mitapenda kwa mtu mgonjwa. En ordre avec le Seigneur. Musawa na Mungu. Plutôt que d'être une personne bien portant. Kuliko kwa mtu mwafya njema. Mais pas prêt. Lakini washio kwa tayari. Et parti avec le Seigneur. Na kunyenya kwenda na Bwana. Mais quoi qu'il s'en soit. Mais atani mambo. Je veux vraiment que nous soyons à la fois prêts et bien portants. Mungu ana tendi corps et de l'âme. Mungu anapenda tupate kwa tayari na msafi mumwili na munafsi. Il pardonne tous nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Il était mort pour un double décès. C'est pour l'église de Cambo que chacun doit faire un examen de conscience. Même Dieu n'a pas parlé ce que tu fais là. Mais le Saint-Esprit t'oblige d'être prêt. Parce qu'il viendra comme un voleur. Je ne suis pas venu ici pour te choquer. Mais je vais te dire que Jésus revient bientôt. Tout ce que nous avons fait, on a étudié, on a marié, on a construit, on a voyagé partout. Mais malgré on a voyagé, il y a une voyage qui est au-delà des étoiles. Mais quand Jésus viendra, ce qui va voyager, c'est ceux qui ont prêt. Nous sommes bien habillés. Mais il y a un habillement de noces qui nous attend. Un habillement de noces, c'est les œuvres justes de Dieu. Et quand vous prenez l'Apocalypse chapitre 19, alléluia, amen. À partir du verset 7, à partir du verset 7, Jean criait, résistons-nous et soyons dans la redresse. Vous qui attendez le retour du Seigneur, où est la joie, les souffrances, a un commencement et il y aura la fin. Mais la joie sera éternelle. La joie, c'est éternelle. Parce que la joie se trouve dans le salut. Et quand David a perdu la joie du salut, il dit Seigneur, rendre-moi la joie de ton salut. Si quelqu'un le salit, il sera toujours joyeux. Et pour la dit, même si tu es malade, soyez toujours joyeux. Même si tu as péché, soyez toujours joyeux. Il y a un Dieu qui pardonne le péché. Même si tu es mort, mourir avec la joie. Et dans la résurrection, il y aura la joie. Mais tu as perdu la joie. Ça, ça, on a poté, ça, Jésus revient. Tu as la même joie église. Ça, ça, on a aller dans la maison de Dieu. David a dit, David anasema, je suis dans la joie. Niko mufura. Quand on me dit, kama allons dans la maison de Dieu. Mais toi, quand on dit l'air de qui t'est venu, kama nasema, saya, tu es mal à l'aise. Est-ce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en toi? Soyez prêts, mon frère. Quand vous servez Dieu, la Bible dit, abissons mais ça, servez l'éternel avec joie. Tu chantes avec joie. Est-ce que tu tapes les mains avec joie? Est-ce que tu danses avec joie? Est-ce que tu peux servir Dieu avec joie? Servez l'éternel. Mungu tumikie wa milele na furaha. Usalete de joie. Mungu nalamike na nalamiko ya furaha. Boya Yesu yoko mwana makambo. Boya Yesu yoko mwana makambo. Yoko mwana makambo ekola. Umukatale Yesu utaona mambo inakufuata nyuma. Utaona mambo inakufuata nyuma. Boya Yesu. Yoko mwana makambo. Boya Yesu, oh,